L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important. Un nouveau président depuis quelques semaines, c'est David Lamontagne. Et on devait faire une entrevue avec Danny pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec nos équipes, qui dirige l'équipe et les équipes et ainsi de suite. On parle avec Danny, avec David Lamontagne. Salut David! Salut Danny! David, tu t'es acheté du chirage, quoi? Je sais pas si je me suis acheté du chirage. Normalement, c'est pas supposé. OK. J'ai juste pris la relève à Danny pour le reste de la saison. Comment ça va jusqu'à maintenant? Ben, jusqu'à maintenant, là, pour l'instant, les saisons sont commencées. Les équipes sont formées. C'est sûr que le double lettre était déjà fait. Les saisons étaient déjà commencées. Là, dernièrement, les saisons dans le simple lettre, c'est débuté en fin de semaine passée. OK. Oui. OK, puis jusqu'à maintenant, c'est sûr que, de ce que je peux voir, le Bantam va très, très bien, avec les optimistes, mais c'est les rapides, finalement. Rapides, ils ont une bonne organisation cette année, hein? Oui, très bonne équipe. Oui. Très bonne équipe, mais quand même une jeune équipe aussi, mais beaucoup de talent, puis je pense que ça va être quand même pareil aussi, dans le Bantam A, puis le Bantam B, on va avoir quand même du bon calibre. OK. Du côté maintenant du Pioui, ça dit quoi? Dans le Pioui, on a le 2B qui ont leur saison commencé. C'est quand même pas si pire. Ils ont quand même venir jusqu'à maintenant, je pense, déjà deux victoires. Je pense 4 ou 5 défaites. Ensuite, le Pioui A, Pioui B. On a une équipe Pioui A, une équipe Pioui B. OK. On a 47 joueurs dans le Pioui. C'est quand même bon. Les saisons sont commencées. On va voir le calibre au courant de la saison. OK. Et du côté Atom? Atom, on a le 2B. OK. On a commencé sa saison. Je pense que c'est peut-être un peu plus difficile comme début de saison, mais on sait qu'en début de saison, c'est le franc-jeu. Ouais. Fait qu'ils ont quand même une période pour... Il y a place à l'amélioration. Puis dans le simple lettre, on a trois équipes cette année, un A, deux B. Donc, je pense que la catégorie atome, quand on a une cinquantaine d'inscriptions, là, c'est un bon signe que la relève est là. OK. Justement, si on y allait maintenant avec les entraîneurs, qui dirige l'atome et puis oui? On parle de l'atome 2B? Oui. OK. Atome 2B, c'est... Pascal Harvey. OK. Ensuite, dans le Pioui 2B, c'est Camille Bouliane. OK, Camille Bouliane qui est revenu, qui dirige Oui, effectivement. Puis le Bantam, on sait que c'est Luc Fortin qui est l'entraîneur. D'ailleurs, on fait une chronique à toutes les semaines pratiquement toutes les semaines avec Luc. Donc, il y a une belle organisation. Il est très, très bien encadré avec Guillaume Lagarde et également Robin Bouliane. Donc, ça va très, très bien de ce côté-là. As-tu eu de la misère à trouver des entraîneurs? Toujours la même maudite histoire, hein? Toujours la même chose à chaque année, c'est toujours la même histoire. C'est toujours si le problème serait de choisir entre les candidats, ça serait quand même possible, mais c'est le problème, c'est d'en trouver les candidats. OK. C'est comme ça chaque année. OK. Espérant que ça change dans le futur. Ben regarde, c'est le fun de voir qu'il y a quand même comme des gars comme Camille Bouliane. Ouais. Il y en a d'autres aussi, là, des gens qui reviennent, qui s'impliquent. Ben oui. Comme retraité. OK. Mais si, David, au niveau maintenant des arbitres, est-ce que de ce côté-là, comment ça a été? Ben, il y a eu la dernière clinique d'arbitres. Je sais qu'il y a beaucoup d'arbitres qui ont eu des départs. Il y a eu des départs cette année. Là. Il y a eu, ça, c'est plus difficile. Mais je n'ai pas vraiment le montant, le nombre exact là, d'inscriptions qu'il y a eu dans la dernière clinique. Là. OK. C'est sûr que ça rajeunit pas mal les arbitres. Mais ça aussi, c'est quand même assez difficile. On essaie d'avoir quand même des moyens de les encourager, des moyens de remboursement, puis tout. Là. On essaie d'encourager ça. Et aussi essayer les encourager à rester arbitres aussi. On sait qu'on... Ben oui, on est une tête de... ils sont souvent les têtes de Turc. Et est-ce que c'est... Exactement, fait que ouais. C'est d'essayer d'encourager les jeunes à continuer. OK, mais est-ce que c'est un problème majeur ou il y a assez d'arbitres pour faire les... Le problème majeur, c'est quand même un problème. C'est quand même... Je ne sais pas si c'est généralisé dans toutes les hockey mineurs, là, mais c'est certain que... oui, il y a des arbitres qui prennent de l'expérience, puis veulent pas, à un moment donné, ils partent aux études. Ou, puis le problème est peut-être aussi plus pour arbitrer le double lettre, puis un peu. Ben oui, puis les ligues de garage aussi, qui font pas partie des ligues aussi. Là. Ça, c'est moins notre problème. Là, mais c'est, okay. C'est quand même un problème. Au niveau des inscriptions, cette année, ça a bien été? Ou c'est sensiblement pareil? Ça se ressemble pas mal d'année en année. Là, on a, je pense que c'est aux alentours de 170-200 inscriptions. OK. C'est quand même très bon. OK. Si on y a... Que dans la catégorie midget, on sait que... Mais on trouve moins d'inscriptions. Ouais. Mais dans toutes les autres catégories, c'est pas mal, ça se suit pas mal à chaque année. Ouais. Si on y allait maintenant avec les tournois, parce que, bon, il y a deux tournois qui s'en viennent très prochainement. Fin novembre, le tournoi Bantam. Le tournoi également, une semaine plus tard, c'est le tournoi, je pense, Pee Wee, si je m'abuse. Comment dire, c'est les deux dernières fins de semaine du mois de novembre. OK. Moi, je veux t'emmener. Ouais. Moi, je veux t'emmener, David, sur le tournoi du centre de formation professionnelle. On sait qu'il n'y a pas d'équipe cette année. Est-ce que ça va causer problème? Pas d'équipe. C'est sûr que probablement qu'il n'y aura pas de 2B. Je ne sais pas s'ils vont réussir à avoir du 2B. Probablement pas. Je ne sais pas encore. Mais c'est sûr que peut-être cette année, ils vont peut-être mettre plus l'accent sur avoir le plus possible d'équipes Saint-Violette. Là. Mais en espérant que ça ne finisse pas pour l'année prochaine d'avoir des équipes double lettre. Mais je pense qu'à chaque année, c'est difficile d'avoir des équipes double lettre dans les tournois, et encore plus dans le midget. Dans le midget, vu le nombre d'équipes, puis veut pas, je pense qu'à chaque année, c'est un problème de réussir à attirer les équipes double lettre. Ah oui, c'est sûr que c'est. Ils travaillent fort pour ça, pour avoir, mais je pense qu'il faudrait plus demander au président du tournoi ou au responsable du tournoi, mais c'est sûr que cette année, ça va être difficile d'attirer des équipes. Peut-être que les énergies vont être moins mises là pour les équipes double lettre, vu qu'on n'a pas d'équipe double lettre. Est-ce que ça peut être difficile pour vos commanditaires? Parce que le centre de formation professionnelle s'implique beaucoup dans au niveau des commanditaires. D'ailleurs, le tournoi porte son nom. Est-ce que ça pourrait être, étant donné que les castors ne sont pas là cette année, est-ce que ça peut être... Non? Je pense que on en autant qui réussissent à attirer plus d'équipes, puis okay. Peu importe si c'est du double lettre ou simple lettre, je pense que il y a quand même deux équipes locales, puis je pense que ça peut... Je pense pas que ça nuit. OK. Je veux t'emmener maintenant, je sais qu'on en a parlé beaucoup, c'était le sujet de l'automne, la survie des castors de Dolbeau. J'ai fait plusieurs entrevues avec Danny, plusieurs entrevues avec Marcel Maltais, et même une avec Danny Dufour également, puis on parlait du hockey dans les écoles. Beaucoup se posent la question. Danny Dufour, le président ou le directeur de l'école secondaire des Chutes, a dit c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais vous avez un an là maintenant pour regarder de ce côté-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir des possibilités, au moins d'avoir des pourparlers pour avoir amener le hockey dans nos écoles? Ben moi je pense que au niveau du hockey mineur, c'est pas avantageux pour le hockey mineur d'envoyer ça dans les écoles, là, c'est sûr et certain. Si on prend au Saguenay, ce qui se passe au Saguenay, ils ont de la misère, là, les hockey mineurs veulent peut-être même se centraliser au Saguenay à cause de ça. Là. Je pense pas que ce soit une solution. Je pense que c'est bien plus de je pense pas que ça va être un problème l'année prochaine. C'est un problème cette année, le nombre d'inscriptions puis tout, le nombre de joueurs. Ouais. Peut-être mettre plus d'énergie pour avoir une équipe l'année prochaine. Je pense que c'est pas parce que ça est arrivé une année que ça va arriver à chaque année. Là. Mais c'est toujours le même. C'est un avantage pour le hockey mineur d'envoyer ça dans les écoles. Ça se fait un jour, on peut rien y changer. Là, mais c'est toujours les mêmes problèmes, David. Il y a toujours un problème de coach année après année. Et ça, il faudrait peut-être regarder de ce côté-là. En envoyant dans les écoles, il y aurait un encadrement, il y aurait une structure. Ça, de ce côté-là, il n'y aurait pas de problème. Oui, Non? C'est sûr. C'est sûr. Peut-être que ça réglera un problème, mais il faut. OK. Comme Danny Dufour t'a dit, c'est, ouais. C'est facile de le dire, mais avant que ça se fasse, ben, OK. C'est moins évident. Autre question. Avant de mes vacances, j'ai parlé avec Richard Letourneau, le directeur ou le président et également gouverneur des Saguenayens de Chicoutimi. Je suis revenu sur le match à Robertval des Saguenayens contre les Cataractes de Shawinigan où le hockey mineur a fait 6 000 $. Et je me posais la question, est-ce que... Puis il me confiait qu'il n'y a personne qui a levé la main pour prendre des informations. Puis je sais que Danny voulait l'année prochaine... Denis, il m'avait dit on va prendre des informations là-dessus. Est-ce que David, lui, ça l'intéresse, lui, le fameux match de hockey avec les Saguenayens contre les, peut-être, mettons, les Cataractes de Shawinigan, compte tenu que probablement que Samuel Girard va revenir l'année prochaine. Donc, le risque financier est zéro, là. Est-ce que David l'a montré? C'est un risque. Ouais. C'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que je sais pas si Denis avait fait des approches, mais c'est sûr qu'on va s'informer en sachant que c'est faisable. Là, on a vu que c'était faisable, en voyant que Robertval l'a fait cette année, c'est sûr que si l'opportunité est là, puis que c'est toujours des matchs pré-saison, je pense, qu'ils font. Oui, c'est ça. C'est sûr que il faut savoir si les arénas sont ouvertes, si tout est fait, mais c'est sûr que l'hockey mineur va être intéressé à ça. Quasiment un revenu assuré. Moi, je peux te dire que Richard Letourneau m'a mentionné que personne n'avait contacté. Donc, probablement que Danny ne l'avait pas fait. Fait que je te dis ça de même. Donc, c'est un hint que je te donne. Donc, oui, c'est intéressant. OK. C'est très intéressant. Ben, David, on va s'en reparler sûrement durant la saison. Et félicitations et bonne chance dans ton nouveau mandat. Là, tu remplaces Danny, mais c'est-tu un mandat de 2 ans? Comment ça fonctionne? Ou bien c'est pour là? Je termine l'année. OK. Je termine l'année. OK. Voilà. J'ai pris le poste pour terminer là. OK. Ben, David Lamontagne, gros merci, puis on s'en parle sûrement. Merci beaucoup. David Lamontagne, le nouveau président du hockey mineur de Dolboum-Sesny.